Les différents milieux sud-coréens exaltent le président Kim Il-sung, qui a allumé le flambeau de Potsombo lors de la lutte armée anti-japonaise pour ainsi donner l'espoir de la libération de la patrie et la confiance en la victoire à la nation coréenne qui souffrait sous la domination japonaise. Une formation du mouvement pour la réunification a écrit dans leur page d'internet que l'armée de guerriers anti-japonaises qui a repoussé l'expédition punitive des impérialistes japonais et surmonté les difficultés naturelles sévères sur les plaines de Mandchourie et dans les massifs a fondé l'Association pour la libération de la patrie, organisation révolutionnaire clandestine anti-japonaise permanente et attaqué Potsombo pour faire trembler les Japs. Un membre de l'Association montagnarde de la nation a rédigé un livre titré « Le Mont Baektu ». Il a écrit qu'au secteur du Mont Baektu, il y a Potsombo où le président Kim Il-sung a éclairé la Corée après sa marche historique dans la patrie. Un intellectuel à Séoul a dit qu'on a remporté la victoire dans la bataille de Potsombo et dans la lutte révolutionnaire anti-japonaise grâce au président Kim Il-sung qui a utilisé comme il veut ses stratégies originales et tactiques ingénieuses. Les médias sud-coréens ont présenté les articles « Le général Kim Il-sung, commandant prestigieux le plus remarquable, qui a accompli de grands exploits dans les batailles contre les impérialistes japonais, et la bataille de Potsombo et le mouvement anti-japonais reconnaît parfaitement. » Une maison d'édition a fait paraître une grande encyclopédie qui explique l'histoire de la bataille de Potsombo. Elle a écrit que l'unité du président Kim Il-sung a attaqué le 4 juin 1937 les établissements administratifs et la police japonaise et occupé pendant quelque temps le district de Potsombo. Les historiens sud-coréens ont dit qu'à l'époque de la domination coloniale des impérialistes japonais, le courant principal du mouvement de libération nationale était la lutte armée anti-japonaise conduite par le président Kim Il-sung, et sa lutte armée anti-japonaise a une grande portée historique.